moi je fais un rap réel. Que je vais emmener dans ma tombe, je suis pas corrompu comme les policiers du tiers-monde. Au hip-hop award, je vois la chanteuse de cabaret. Et moi donc, je rappeur de la street, on m'a tenu à carreau. Parce que mon rap est agressif, ils veulent que j'aille autre part. Bientôt ils voudront caresser la fourrure du léopard. Eh, hey, je prends pas de bling bling, pas de joujou en toc. J'aime pas les chaînes dorées, achète au marché de Bangkok. Moi je suis Paris Paris, j'aime les brutes de Montparnasse, les crêpes de Montmartre et voir les bagarres face à face. Paris a ses règles, ses codes et ses lois. Pas celle du code pénal, celle qui se règle dans les bois. Et quand la nuit arrive et que les carrosseries se rayent, les sages s'endorment et les voyous se réveillent. Dans la discothèque, Patrick Vieira entouré de Michto. Et dehors, une racaille a giflé la physio. Qui fait ses plans douces, ramène la caille à 112. Qui sort en équipe de 12, la nuit c'est ton char. Qui s'en sort à l'arrache, fait ses dièses à gauche droite. Et qui vit dans la menace, merde c'est ton char. Qui a fait sa route et qu'on ne peut plus arnaquer. Qui téléphone en masqué, c'est ton char. Qui veut se casser avec le blé, qui a fait le double des clés qu'on écoute dans les sequets, c'est Don Char. Parfois je suis fatigué d'avoir cette vie de lascar, de piétiner mes bulles d'air, de Rivoli à Saint-Lazare. De passer mes journées à rien foutre sur le goudron, d'imaginer me barrer avec la cargaison du fourgon. Fatigué de rapper sans fiche de paix, ma vie je vais peut-être la foutre en l'air et ça je le sais. Je compte sur personne sauf sur mon arsenal. Je bosse dans la jungle à deux pas de l'univers carcéral. J'ai pas envie de crever avec des crédits à la banque. Tu sais ici vaut mieux bien s'accrocher à la rampe. Et qu'on vienne pas me dire que je dois faire un taf réglo pour 1000 E avec une vie de bus et de métro. Hey, je suis loin du rêve du pâtissier français. Moi je rêve d'une vie de film à la Martin Scorsese. Mourir avant de vivre sans exaucer un vœu, mourir sans rien, j'y pense même pas un peu. Qui fait ses plans douces, ramène la caille à 112. Qui sort en équipe de 12, la nuit c'est ton char. Qui s'en sort à l'arrache, fait ses dièses à gauche droite. Et qui vit dans la menace, merde c'est ton char. Qui a fait sa route et qu'on ne peut plus arnaquer. Qui téléphone en masqué, c'est ton char. Qui veut se casser avec le blé, qui a fait le double des clés qu'on écoute dans les sequets, c'est ton char. C'est dur d'avoir un dièse réglo parmi mes plans. Simplement dur d'être un négro parmi les blancs. Difficile d'être fauché sans avoir une idée tordue. Compliqué de taquiner le vice sans être mordu. Sur notre parcours y'a du verglas dans les courbes. Et pour oublier ça, on met du whisky dans les gourdes. J'ai entendu dire que l'espoir fait avancer. Moi je m'en fous, j'ai encore un javelot à lancer. J'suis déconnecté, j'suis dans un monde de soldats. Au bord des nuages, à mi-chemin de la terre et de l'au-delà. J'dors plus, j'passe mes nuits dans les tourmentes. J'donne tout, j'ai plus rien. La vie est trop gourmande. Qui fait ses plans douces, ramène la caille à 112. Qui sort en équipe de 12, la nuit c'est ton char. Qui s'en sort à l'arrache, fait ses dièses à gauche droite. Et qui vit dans la menace, merde c'est ton char. Qui a fait sa route et qu'on ne peut plus arnaquer. Qui téléphone en masqué, c'est ton char. Qui veut se casser avec le blé, qui a fait le double des clés qu'on écoute dans les sequets, c'est ton char.